100% francês com Ricardo de Matos. Muitíssimo boa tarde e bem-vindos a mais uma nova edição do 100% Francês. Começámos em 1983 e David Coven, influenciado pela cultura brasileira com este Samba Maria. Christophe Willem ainda tem novidades para apresentar o seu bem-sucedido álbum Cafeína. O último tema a ser extraído contrasta com o ritmo do primeiro. Em estreia agora por aqui este Entre nous et le sol. Quand je te vois, l'or est là qui se colle. pleurer encore sur mon corps. Seul dans l'univers, j'avoue que les nuits sont belles. Seule dans l'univers, será que é assim que agora se sente Elsa? É porque esta senhora era dona dos lugares cimeiros do top francês nos anos 80 e 90, mas depois nunca mais lá conseguiu chegar de novo. E como este tema é de 2004, bom, eu por aqui dou sempre uma mãozinha nestes casos, se valer a pena, e acho que foi o caso. Ainda com a última de Stanislas, no 100% francês, Foudel. Je m'endors avec, je l'ai dans la tête, j'avoue je m'entête et ça m'embête. Je me lève avec, toujours elle en tête, c'est un film peut-être, faut que ça s'arrête. Je la vois pas. Dans un état qui déprime, mais dans Por aqui a acabar de relembrar um dos temas de L'Écho des Étoiles, o álbum de 2002 do veterano Maxime Le Forestier, chama-se Affaire d'État. Deixamos agora um pouco da percentagem do 100% francês, porque vai cantar em inglês Lily Allen, mas com uma ajudinha de Ours, é o filho de Alain Souchon, neste 22. Hey Lily, raconte-nous. When she was 22, the future looked bright. She's nearly 30 now and she's out every night. I see that look in her face, she's got that look in her eye. She's thinking, how did I get here? Wondering why. The sad but it's true, how society says her life is already over. There's nothing to do and there's nothing to say. C'est vrai, Louis, c'est vrai. Une fois la vie en duo, voilà la suite du haut de ses épaules et de son dos. Elle envoie des mots. fr.blogspot.com 100% francês com Ricardo de Matos. Désabusé, désemparé, il a tout tenté, s'est tenté. Ouvido em 1995, este L'Homme Me Vi dá também nome ao álbum desse ano dos já extintos La Ferre Littrio. E no outro dia em viagem com amigos, tocava no meu autorrádio o tema que se segue, e eles, pouco habituados a ouvir música francesa e todos sub-30s, compararam logo ao estilo de Katy Perry e companhia. Nunca tinha pensado nisso, mas faz todo o sentido a ver pela idade de Camélia Jordana e as suas influências musicais. 19 aninhos e muito sucesso com este Non, non, non, écoutez Barbara. Combien de fois faut-il vous le dire avec style? Je ne veux pas sortir au baron. Non, non, non, non. Je ne veux pas boire un verre, non, non.

lâcher comme ça, c'est dur. Elle va lui monter tous les bateaux à vapeur, je les connais par cœur. Elle fonce dans les miroirs, les alouettes du soir. Je me les revois au dernier feu de ce boulevard. Tiroir à mémoire, dans un miroir à tiroir. Je me la revois au dernier feu sur le boulevard des minuscules. Dans ce tiroir à mémoire, dans un miroir à tiroir. Je me la revois au dernier feu sur le boulevard. O ritmo a cargo de Jeff Smallwood é canadiano e foi com este Boulevard des Minuscules que em 1996 chegou ao top 10 do Canadá, deixando assim o anonimato. A última de Nolwenn Leroy toca no 100% francês com insistência. E agora este Faut-il, Faut-il pas? E depois só com temas do nosso aniversariante hoje. Continuação de um ótimo domingo. Entre le lourd, le léger, entre les pleins, les déliés, je devrais trancher. Oui, mais j'hésite, quitte un jour à le regretter. Entre glaise et firmament, je suis un élastique qui s'étire ce temps. Je suis pas à mon aise, tous tes dilemmes, tous tes malaises. Pourquoi faire un choix, la peste ou le choléra? Je suis balance, faut-il pas? Le pire des fléaux, je suis un cas. Faut-il pas? Y'a belle lurette que j'ai décidé de ne rien décider. Les circonstances vont me sauver, je l'admets, je ne suis pas à mon aise. Tous tes dilemmes et tous tes malaises. Je suis balance, faut-il pas? Le pire des fléaux, je suis un cas. Entre mélo et comédie, je n'ai pas choisi. Éternel n'est pas pour demain. Funèbre refrain, il me tente et m'attire sans fin. Aussi beau soit le chemin, était-il le meilleur, je le saurai enfin. Entre deux feux en silence, je vais me tâter, gamberger, cogiter. Je suis balance, faut-il pas? Un vrai cas. 100% francês.

tabac est un sourire qui plane. J'aime ta Jamaïque, Jamaïque. J'aime ta Jamaïque, Jamaïque. J'aime ta Jamaïque, Jamaïque. Mélange de Cuba et de jungle africaine. J'aime ta Jamaïque, Jamaïque. J'aime ta Jamaïque, Jamaïque. J'aime ta Jamaïque, Jamaïque. Mélange de Cuba et de jungle. Philippe Laville, Presqu'île, 1999. Ce n'était qu'un presqu'île sans elle. Beaucoup de bleu et quelques tuiles. La pluie efface nos marelles, qu'en pensait-il? Quand il était encore presqu'île, pas encore bien poussé les ailes. Adolescent presqu'île sans elle, il a cherché longtemps son style. Elle se faisait déjà la belle, c'est très habile. Un peu ballot le petit fil, ce n'était qu'un presqu'île sans elle. Mais on ne va pas en rester là. On va toucher le soleil, même du bois. Je vous dis qu'on va la retrouver, la môme qui faisait onduler les toits comme nos pluies de fin d'été. Non, je ne vais pas en rester là, là. Je vais la chanter, je vais retrouver la voix. Elle a bien connu Pierre et Paul, leur ferait avouer où la créole a planqué son soleil pour moi. La pluie efface nos marelles, qu'en pensait-il? Quand il était encore presqu'île, pas encore bien poussé les ailes. Sur le rocher presqu'île sans elle, puisque sans elle je connais pas d'île. Tous ces chemins qui mènent au rhum, moi je distille des mots rabattus comme ses ailes sur des feuilles qui manquent à l'appel. Mais on ne va pas en rester là, là. On va toucher le soleil, même du bois. Je vous dis qu'on va la retrouver, la môme qui faisait onduler les toits comme nos pluies de fin d'été. Non, je ne vais pas en rester là, là. Je vais la chanter, je vais retrouver la voix. Elle a bien connu Pierre et Paul, je leur ferai avouer où la créole a planqué son soleil pour moi. Ce n'est plus qu'une presqu'île sans elle. Ouais. Pas encore bien poussée les ailes. l'a cherché longtemps. Son style. Quand il était encore